Bienvenue dans ce troisième numéro de 82 BPM, le podcast qui vous raconte l'origine d'une chanson. Je suis Yannick Doc et aujourd'hui je vais vous parler du morceau Seven Nation Army des White Stripes. Alors les White Stripes, c'est un groupe qui vient de Détroit et ils sont formés en 97. Attention, je tue le suspense tout de suite, ils sont séparés en 2011. Le groupe est composé de Jack White et Meg White. Alors dans un premier temps, ils se présentent comme frères et sœurs, mais en fait à leur début, ils sont mariés et femmes. Ouais, vous trouvez ça bizarre, moi aussi. Il y a une explication totalement rationnelle. Enfin, à peu près. Jack White explique que pour lui, les gens se posent moins de questions sur un groupe entre frères et sœurs et se concentrent sur la musique. Alors que si c'est un couple, on va poser des questions sur leur relation et s'égarer dans des choses inutiles. La chanson sort en 2003 sur Elephant, leur quatrième album, et c'est l'album de la consécration. Il a remporté le Grammy du meilleur album alternatif. Mais pour revenir à la petite histoire de Seven Nation Army, il faut revenir bien avant. Tout commence quand Jack est encore qu'un gamin. Il comprend mal la prononciation de The Salvation Army, ça veut dire l'armée du salut en anglais. Lui, il entend Seven Nation Army, et c'est comme ça qu'est né le nom de cette chanson, quoi. On avance un peu dans le temps, on est en début d'année 2002, les White Stripes donnent un concert à Melbourne, et pendant les balances, Jack bosse sur une chanson, et il la joue à Meg. Enfin, c'est pas vraiment encore une chanson, hein, c'est juste un riff, une mélodie qu'il aime bien. Et pas loin d'eux, il y a Ben Swank, c'est le batteur du groupe qui assure leur première partie, et Jack lui demande ce qu'il en pense. Et lui, il dit juste « Ouais, c'est cool ». Bon, Jack garde ça dans un coin de sa tête, et pour s'en rappeler, bah, il lui donne le nom de Seven Nation Army. Mais à la base, c'est juste un nom provisoire, quoi, c'est un aide-mémoire, quoi. La première idée de Jack, c'est de garder ce riff pour une occasion spéciale. Il espère qu'on va lui demander de faire une chanson pour James Bond. Bon, finalement, il change d'avis. Il sort Seven Nation Army en 2003. Et en 2008, ben, on l'appelle pour faire le thème du générique de James Bond, Quantum of Solace, en duo avec Alicia Keys. Ballot. Quand on regarde les paroles, le début, ça parle de combat, d'armée. À première vue, on pourrait penser à un hymne guerrier ou un hymne révolutionnaire. Mais pas tant que ça. Ça parle du retour d'un gars dans sa ville natale, et il doit faire face à tous les ragots, les ondits qu'il y a sur lui. Toute ressemblance avec la vie de Jack et Meg White ne serait que purement vraie. On revient à ce que je vous disais au début. Le fait que les gens aient découvert qu'ils avaient été mariés et femmes, bah, ça a engendré tout un tas de questions auxquelles ils en avaient marre de répondre. C'est la rançon de la gloire. Hein. Et bah, ce morceau, c'est une réponse. Maintenant que même la reine d'Angleterre est au courant, ils veulent qu'on les laisse tranquilles, et il va même jusqu'à dire qu'ils vont tout arrêter et aller élever des chèvres dans le Kansas. Ouais, bon, j'exagère un peu, il n'y a pas de chèvres. Mais cette chanson, c'est ça, en fait, c'est exprimer leur ras-le-bol face à la pression de la célébrité. La chanson est un énorme succès, et elle remporte un Grammy pour la meilleure chanson rock. Et à la base, la maison de disques, elle voulait pas que ce titre soit le single. C'était des visionnaires, hein. Mais l'histoire du morceau ne s'arrête pas là. Il connaît une seconde vie assez improbable. Le morceau devient un hymne dans les enceintes sportives. Là encore, l'histoire est sympa. Ça commence avec des supporters de l'équipe de foot de Bruges, donc des Belges, qui sont en déplacement en Italie. On est toujours en 2003. En attendant le début du match face au Milan AC, ils sont dans un bar et le morceau passe. Bon ben, bar, bière. Le groupe de supporters s'appelle la Blue Army. Tout de suite identifie au morceau et il commence à chanter le po po po po po po po. Je le fais bien. Et puis le soir, bah, contre toute attente, il gagne le match. Bah, du coup, il continue de chanter ça pendant de longues minutes pour fêter la victoire. De retour en Belgique, ça devient un peu un gimmick et il chante ça avant le match, pendant le match, après chaque but. L'histoire belgeo-italienne continue. En 2006, l'équipe de l'AS Roma bah, vient gagner un match à Bruges et les supporters romains adoptent le chant. Et cette même année, sans doute grâce à Francesco Totti, le capitaine de la Roma, ben le Seven Nation Army devient l'hymne non officiel de la Squadra Azzurra, l'équipe nationale d'Italie. Ils deviennent champions du monde et ils chantent le pa pa la pa pa pa pa. Et ça se propage en Italie, après ça se propage dans toute l'Europe, ça traverse l'Atlantique, et ça envahit même les, ouais, ça envahit les terrains de football américain, de basket. En fait, ça envahit les terrains de n'importe quoi. À partir du moment où il y a du sport, la chanson elle est passée, quoi. Je suis sûr qu'au fin fond de Nicaragua, il y a quelqu'un qui chante cette chanson. Et ça plaît à Jack White, il est content de voir les gens s'emparer de la mélodie et la faire rentrer dans le panthéon de la musique populaire. Bon, et aussi, ça doit lui rapporter quand même un max. Et qui dit énorme succès, dit énormément de reprises. Je vous avais demandé des conseils et des avis, et sur Twitter, certains ont regretté que je fasse pas assez d'extraits. Donc pour ce numéro, ben, je vais essayer ça. En France, la reprise la plus connue, c'est celle de Ben l'Oncle Sol, qui est sortie en 2010. Avec la version des Pretty Reckless, on revient dans le rock, et ils la jouent souvent pendant leurs concerts. Dans le style rock, il y a les Hives aussi qui ont fait une reprise. Et ce qui est marrant avec toutes ces reprises rock, c'est que la plupart du temps, les gens jouent le début du morceau à la basse. Et Jack White l'a fait, lui, à la guitare. Il utilise une pédale d'effet qui descend d'un octave. Avec la version des Flaming Lips, on retrouve le côté révolutionnaire qui est donné au morceau. Prochaine est assez improbable, c'est Music for the Kitchen qui fait ça. Et c'est une version un peu folk, swing, vous allez voir, elle est sympa. I'm gonna fight a Bon, il y a des dizaines de versions qui existent, mais on va terminer avec une version un peu calme de Damien Rice. Don't wanna hear about it. Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the hounds of hell. And if I catch it coming back my way, I'm gonna serve it to you. And that ain't what you wanna hear, but that's what I'll do. And the feeling coming from my bones tells me to go back home. Et voilà, c'est la fin de ce numéro. Et comme pour les autres, ben, j'attends toujours vos avis, vos conseils. Je remercie ceux qui m'en ont donné, d'ailleurs, c'est sympa. Vous pouvez me contacter sur Twitter, @yannickdoc ou @82bpm. À bientôt! Gonna bleed from